Oui, c'est moins. Je me suis un peu. Oui, c'est un peu moins frappant que ce que je pensais. Il y a un autre passage où Piaget, un passage vidéo d'ailleurs, où Piaget explique bien que il s'agit de se remettre au boulot dans les commissions de travail. Donc là, ça apparaît entre les lignes. Il dit on va refaire l'usine, sous-entendu cette usine où alors là, on peut peut-être parler d'une autogestion de la lutte, c'est-à-dire une usine où on était au travail, hein, pour prendre en charge tous les aspects de la lutte et aussi pour délibérer au quotidien de façon à réaffirmer la ligne ou à redéfinir la ligne, etc. C'est-à-dire ce type de lutte. Mais ce type de lutte fondée sur une délibération large. Voilà. Alors, simplement, la remarque qu'on peut faire, c'est qu'avec Vito, avant, il n'y a pas de délibération. C'est-à-dire que lui a délibéré avec sa tartine. Il affirme qu'il maîtrise la situation comme il maîtrise sa tartine et qu'il suffit de lui faire confiance, vieux syndicaliste, etc., ayant d'ailleurs la confiance des confédéraux CFDT, pour sauver les meubles, pour que le conflit soit remis sur ses rails, etc. Mais remis sur ses rails comment ? En écoutant la consigne. Voilà, la consigne, pas de ceci, pas de cela. Tandis que Piaget ne dit pas la consigne, il dit remettons-nous au travail, c'est-à-dire remettons en route la machine à délibérer, la machine à faire de la politique. La machine à faire de l'éthique. C'est pas du tout pareil. Justement, dans nos entretiens préalables, tu insistais beaucoup sur cette question, finalement, du primat accordé à la politique dans cette question des pratiques militantes du cinéma et de la vidéo. Alors, comment, finalement, la question, malgré tout, de la technique, à un moment donné, intervient dans ton travail ? De fait, tu tournes en 16 mm, mais en fait, tu hybrides, d'une certaine manière, les formats, en tout cas dans ce film dit de synthèse, justement, tu intègres aussi des supports vidéo. Est-ce que tu as quelques mots à dire au moins ? On va approfondir cette question, évidemment, hein, de la comparaison ou de la mise en perspective des approches argentiques et vidéo. Mais est-ce que tu as déjà quelques éléments à donner par rapport à ce film ? D'ailleurs, on pourra peut-être voir dans la foulée un deuxième extrait de ce même film où tu intègres des vidéos. Est-ce que tu as quelques éléments à oui. avancer sur cette question ? Je disais, effectivement, il y a un primat du politique dans ce que j'appelle le film inséré ou même dans un film comme ça. Bon, c'est ça qui compte. Le support, bon, vidéo, film ou n'importe quoi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est, si on fait un film inséré, c'est la fin, le but qu'on se fixe, sur quoi on va opérer, qui va opérer. Voilà, c'est ça ce qui compte. Ensuite, l'image, on prend l'image qu'on a. Dans le cas du premier film LIP, nous avons filmé, parce que l'image n'existait pas, et donc on a fait un tournage rapide de cette visite dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis c'est tout. C'était d'ailleurs pas un vrai caméraman, c'était grisonnant, c'était de la... Enfin, peu importe. L'essentiel, c'est que ça soit bien mis dans l'axe stratégique de la lutte. Voilà. Donc, pas de différence à ce niveau-là, pour ce type de film-là, entre film ou vidéo. Maintenant, juste une chose comme ça. Effectivement, la vidéo qui apparaissait à l'époque présentait l'avantage par rapport au film d'être immédiatement visible. Donc, ça permettait éventuellement une espèce de, d'agitation, bon, mais qui posait de vastes problèmes, notamment dans le cadre de LIP. Parce que il y a... Et là, encore une fois, on ne parle pas du bien et des choses comme ça, horribles. Hein. On parle de situations concrètes. Le mécanisme de délibération qui avait été mis en place chez LIP n'était pas parfait. Ça n'existe pas. Mais il y en avait un qui comportait, je le rappelle, séparément réunion des sections syndicales le matin au château, c'est-à-dire dans cette maison qui se trouvait dans le parc, séparément, puis intersyndicale vers 9-10 heures, 9h30, puis assemblée générale, généralement présidée par Piaget, puis suite des discussions informelles au déjeuner et continuation de toute cette délibération, si vous voulez, dans les commissions où on faisait un travail, mais on pouvait aussi parler. Et puis le soir, ça n'empêchait pas non plus sur l'oreiller hein, de continuer. Bon, donc il y avait une délibération permanente. Voilà. Alors, évidemment, je disais, c'est pas parfait. Et puis, j'oubliais, pardon, le comité d'action se réunissait également le matin. Donc, il y avait ça. Bon. Alors, encore une fois, c'est pas parfait. On voit souvent, par exemple, Ragnès qui s'exprimait au nom du comité d'action, ou même je l'ai vu s'exprimer au nom des femmes. On n'est pas... voilà. Mais, cela dit, c'est quelque chose qui marche. Si on veut introduire un nouveau partenaire, un nouveau collectif dans cette parole, dans cette délibération, il faut l'introduire comme ça, mais pas de façon sauvage. Et c'est un peu ce que la vidéo, ce que Paul a fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, parce que vous êtes là et que vous possédez un instrument, vous ne pouvez pas choisir un groupe... les femmes ou ceci ou cela, et dire, voilà, je vais donner la parole à ces gens-là, je vais, même si c'est tout à fait justifié, hein, d'un point de vue moral, mais, et puis voilà, et je vais en quelque sorte perturber le jeu de la délibération de cette façon-là. Il vaut mieux dire, bon, ben, faisons une commission femmes, et imposons, alors il faudrait en parler avec Fatima, etc., mais imposons que cette commission femme parle à l'Assemblée générale, qu'elle ait un délégué à l'Assemblée générale. Si ça ne marche pas, s'il y a barrage de la part des gros mecs, bon, ben, il y a bagarre. Mais on ne peut pas simplement agiter comme ça. Enfin, moi, je pense ça, c'est relativement dangereux. Concrètement, cette perturbation... cet effet de perturbation, il s'exerçait comment, une circonstance concrète? Ben, c'est plutôt dans le second conflit. Moi j'ai entendu parler de ça. C'est dans le second conflit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne une résonance particulière au dissentiment, si vous voulez, d'un certain groupe, qui a choisi de donner cette résonance? C'est le vidéaste. Donc là, on entre dans quelque chose... sur quoi il faut en tout cas s'interroger. Et ça, c'est effectivement la vidéo qui permet de le faire. En film, on ne peut pas le faire. Mais c'est une question. Moi, je n'ai jamais été... moi, je faisais du film, je n'ai jamais pratiqué de vidéo dans ces cadres-là. Et ce n'est pas une question dont j'ai une expérience personnelle. Mais j'ai entendu, et c'est comme ça que je situe la question. Voilà. On va regarder tout à l'heure. C'est la différence, pardon, je termine sur ce mot, c'est la différence entre morale et éthique, puisqu'on parle un peu de philosophie, là. Donc, c'est tout à fait moralement justifié, la position de Paul. Mais pas et éthiquement. Carole Roussopoulos. Oui, de Paul et Carole, c'est tout à fait justifié. Mais ce n'est pas forcément une position éthique. Alors, on verra tout à l'heure, effectivement, les extraits en question qui font partie de la série des chroniques de Lippe que le groupe Video Out... autour de Carole et Paul Roussopoulos, Dominique Barbier arrive. Formidable, formidable. notre ultime invité pour aujourd'hui. Donc, cette chronique d'Ellipe a été tournée et montée par le groupe Video Out entre 1973 et 1976. Donc, il y a déjà quatre bandes même, qui avait été tourné dans le cadre du premier conflit. Et dans le cadre du deuxième conflit, deux autres bandes ont été enregistrées, qui sont celles dont parle Dominique Dubosc et qui ont fait polémique. On en verra des extraits tout à l'heure, on va essayer de préserver du temps pour effectivement rentrer dans cette polémique. J'ai des citations de l'époque et des entretiens récents avec Paul Roussopoulos où effectivement il explique que ça a été extrêmement tendu, très mal reçu et que pour eux, pour le groupe Videout, c'était finalement une confirmation que c'était là qu'il fallait aller puisque ça posait problème, cette question des femmes. Donc c'est assez intéressant de revenir justement sur cette polémique finalement qui a émergé et qui a été introduite, la contradiction, par cet outil vidéo, cet outil effectivement sauvage, spontanéiste hein, d'une certaine manière, pour reprendre des termes qui étaient employés à l'époque.